Bonus. Trax. Cinquième monde. Épisode 6. Supernova. Caché dans les cavernes trouant la montagne Krill, la résistance s'organise. Ici flottent beaucoup d'étendards, celui des Lucioles, mais aussi ceux de plusieurs factions d'unités sympathisantes affichant des symboles comme un mégaphone, un cristal ou un œil bleu. Axion et Kaina arrivent en Scootwing. Le couple descend de leur engin et s'avance sur une grande plateforme donnant sur une crevasse sombre où des centaines de lucioles circulent parmi les machines et le matériel entreposé. Akion retrouve Zed et Iris dans un couloir. Ne voyant pas Morad, Akion comprend immédiatement. Iris se précipite vers lui, Akion, prêt au choc, lui ouvre chaleureusement les bras. C'est arrivé comment ? Une embuscade. Dans les montagnes arides. Là où tu devais être. Je vais pas revenir sur ma décision. Je sais bien. Mais ce qui est fou, c'est que même dans un cas comme ça, tu remettras pas en cause ta décision. Je vous présente Kaina. Salut. Vous avez eu des nouvelles de Chris ? Oui. Ça fait une semaine qu'il est là. Il est à la réserve. Il arrive. Akion tape l'épaulette de Chris, en tentant d'ignorer les regards accusateurs d'Iris et de Zed. Salut, Unité. Bonjour, Akion. Comment tu vas ? Ça va. Ton entraînement avec Orion ? J'ai beaucoup appris. Bon, on peut connaître l'évolution ? L'objectif est de prendre la tour CPPA-01. Ah, carrément. Carrément. Nous savons que les différents tyrans se sont mis d'accord pour frapper les principaux fiefs des Lucioles, sans savoir qu'ils investiront des bâtiments vides. Les forces de l'Axe, en partance des tours CPPA, vont se disperser et envoyer des dizaines de transporteurs qui servent à la fois de petites bases volantes et d'entrepôts d'approvisionnement. Ils sont vides et pilotés automatiquement par la tour. Il faut aborder celui qui doit venir chercher les troupes de la tour, tandis qu'une attaque sur les plaines dans le secteur 34 fera diversion pour obliger la tour à se vider de ses soldats. C'est la fin de l'après-midi. Zed, Chris et Iris embarquent dans leur navette en compagnie d'une quinzaine de soldats. À la lueur mordorée d'un soleil couchant, chauffant et compressant l'air de ce ciel nuageux, les navettes rebelles font route vers la ruche. Elles se rapprochent doucement d'un axe magnétique et lumineux où les véhicules circulent librement à plusieurs centaines de mètres du sol. Les opérateurs des Lucioles repèrent le cargo de l'axe et brouillent à distance les caméras de bord. Les Lucioles peuvent lancer l'assaut. Avec des fusils harpons, elles tirent des câbles qui viennent s'encastrer dans la tôle du cargo, puis chacune leur tour, elles glissent à l'aide d'un harnais solide. Zed et trois soldats enclenchent des scies à métaux circulaires et commencent à découper la carlingue. Elles entrent dans un cargo vide, plongé dans le noir. Seules quelques lumières de service clignotent. Iris arrive près de la console de pilotage. Elle pirate le système de guidage du cargo et enclenche la conduite manuelle. C'est alors qu'un patrouilleur de sécurité circulant non loin localise les troupes de Luciole. Il est suivi par trois autres engins. Les écoutilles des appareils de l'axe s'ouvrent. Des soldats font feu sur le cargo abordé. Chris surgit d'un recoin du cargo en lançant une énergie bleue qu'il concentrait dans sa main. Elle explose sur le cargo ennemi. Sous l'effet du choc, celui-ci est dévié vers son voisin et par un effet de domino, percute les suivants. Mais leur chute dévoile un quatrième patrouilleur depuis lequel une roquette est tirée. Elle explose au niveau du cockpit, où Iris se trouve. La jeune Luciole est grièvement blessée par l'impact. L'un des soldats prend les commandes, tandis qu'un autre prodigue les premiers soins à Iris. Soldat, donnez-lui un peu de morphine. Je sais pas, capitaine. Elle risque d'être un peu moins consciente. Oh putain, mais file-moi ça. Bon, on arrive à la tour dans moins de 5 minutes. Chris, je t'ordonne de rester à couvert. Et pourquoi ma vie passerait avant celle des autres? Mais c'est débile! C'est pas ta vie qui prime, c'est l'avenir de la ruche! On n'a pas le temps! Exécution! Le cargo des Lucioles est en flammes. Il vacille, mais il reste maintenu sur la route magnétique jusqu'à son entrée dans l'aérogare de la tour. Le cargo, brinque-ballant, se pose avec fracas à l'entrée de la gare. Les Lucioles en débarquent, mais à peine Iris a-t-elle posé le pied par terre, qu'elle crie de douleur. Non! Capitaine, elle n'ira pas plus loin! Iris, repose-toi. Soldat, cachez-vous dans la ruelle là-bas, appelez un transport médical. Si près de la tour, mais ils vont se faire repérer. Non, donnez-lui rendez-vous dans le secteur suivant, qu'ils vous préviennent de leur arrivée. Vous les rejoindrez. Le patrouilleur de l'axe se pose à une vingtaine de mètres de là, afin de ne pas subir un feu nourri. Il en débarque des soldats axe, armes au poing. Pour attirer leurs ennemis loin du train, les Lucioles courent comme des dératés en direction de la tour. Z prend une balle dans la cuisse, tout en courant, puis il regarde Akion et Iris. Ils savent, aucun mot n'est à la hauteur de la gratitude et de la déchirure. Z se retourne et va à la rencontre des soldats pour y trouver la fin. Mais peu importe. Non ! Akion, Iris, Chris et les soldats entendent les coups de feu tandis qu'ils cheminent vers la tour en évitant la mort à chaque seconde. Ils y découvrent le voleur posté devant l'entrée. Les Lucioles font feu, mais les balles ricochent sur la carapace du Super Arcane, à peine déstabilisé par les tirs. Chris trébuche en courant. Le voleur se jette sur lui. Akion lève les bras pour attirer l'attention de l'Arcane. Non ! Moi ! Ici ! Le voleur tourne alors la tête vers Akion et détecte une plus forte puissance chez lui. Akion se met alors à courir. Le voleur le poursuit instantanément. Il sait que le voleur le talonne et qu'il n'a aucune chance de le battre. Il s'enfonce alors, sans le savoir, dans un cul-de-sac, fait de constructions bancales de gravats et de béton. Le voilà entouré de murs infranchissables. Seule une toute petite portion sur la droite est suffisamment dégagée pour constituer une sortie. Il s'y précipite, mais le voleur qui connaît le lieu atterrit lourdement devant lui en barrant ainsi le seul accès possible. Akion réalise qu'il va livrer là son dernier combat. Allez, amène-toi qu'on en finisse! Il se met en garde en sortant son sabre et en déclenchant son aura d'un bleu électrique. Une lame rétractable se déplie depuis le bras du voleur qui prend exactement la même posture qu'Akion. La Luciole inspire. Akion attaque le premier. Le voleur esquive le coup, se positionne et se tient prêt à frapper. Akion amorce le retournement qui lui a permis de vaincre le troll mécanique. Mais le voleur sait que son adversaire sera immobilisé dans cette position défensive pendant un instant. Mais Akion frappe finalement le voleur totalement pris de court et lui tranche la tête. Celle-ci est éjectée. Elle fait plusieurs tours sur elle-même avant de tomber lourdement sur le sol poussiéreux. Akion regarde la tête lisse et ovale de l'être artificiel qui réfléchit son image, et du bout de sa lame, il déclenche une boule d'énergie qui fait exploser le home du voleur de technique. Le guerrier n'en revient pas. Il tombe au sol essoufflé. Les Lucioles franchissent les étages. Tenez bon, on va y arriver! De grandes vitres cristallines quadrillent tout l'espace à droite, tandis que les murs à gauche sont jalonnés de portes sur l'étage. De l'une d'elles sort Ripkan, se saisit de sa dague et qui part comme un éclair se planter dans la gorge d'un soldat qui tombe au sol en mettant ses mains sur la plaie. Trop tard. Ripkan se retourne et esquive les tirs avec une vitesse hors norme et se débarrasse des deux soldats restants en alternant coups de sabre et de dague. Chris se retrouve seul face au prédateur. Les deux guerriers sont sensiblement de même taille et partagent une certaine ressemblance physique. Ils enflamment leurs énergies respectives. active, d'un rouge vif pour Ibkan et blanche pour Chris. Ils commencent à échanger quelques violents coups d'épée acharnés, les deux adversaires testant chacun la technique à la défense de l'autre. Mais Ibkan prend vite l'avantage et donne un coup de pied à Chris qui est projeté en arrière. Il brise l'une des vitres de cristal en la percutant. Il se relève. Ibkan fond sur lui et lui décoche un magistral coup de pied sauté. La colère de Ibkan embrase alors la fréquence présente dans l'air. Tel un gaz en contact avec une flamme, le choc est terrible. Si fort que les deux lucioles sont projetées en arrière. Ils se relèvent, se mettent en garde et s'approchent l'un de l'autre, les sens en alerte. Tu ne sais pas qui je suis. Et toi, tu ne sais rien. Ibkan fait tournoyer son épée et tente de sectionner la clavicule de son adversaire. Chris part le coup, mais ne voit pas arriver le puissant coup de genou qu'il reçoit dans le ventre. Un coup si fort qu'il en laisse tomber son épée. Déséquilibré et tremblant, Chris veut s'éloigner, mais Ibkan, les yeux fous, s'approche de lui. Bande d'imbéciles! Vous allez envoyer des milliers de jeunes gens mourir pour rien! À ces mots, l'énergie de Chris explose. Sa conscience ne fonctionne plus. Il se précipite sur Ibkan, avec une vitesse qui surprend son adversaire, puis lui assène un coup de poing ivre de colère. Il enchaîne plusieurs coups, forçant Ibkan à reculer. L'aura de Chris augmente en même temps que la rage qu'il donne dans ses coups. Attends! Il faut que tu saches quelque chose! Mais Chris n'écoute pas. Ibkan devient le seul point dans l'espace dans lequel l'esprit de Chris est focalisé. Et c'est dans cet état, hors du monde, que pendant un très court laps de temps, il voit autour de son adversaire une sorte de quadrillage lumineux définissant les structures de la réalité. Son dernier coup de poing sera explosif. Ibkan a été touché mortellement. Il se met à crachoter du sang, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Ibkan lâche sa dague et s'effondre sur le sol comme un immeuble s'écroulant sur lui-même. Avachi contre le mur, les yeux grands ouverts de Ibkan fixent Chris. Son souffle devient court. Une étreinte glaciale se saisit de son corps. Ibkan tourne alors doucement la tête vers Chris. Mon corps est lourd. Mais mon âme... Mon âme est légère. Est-ce que tu comprends? Tu comprendras. Chris saisit la dague de son adversaire et le poignarde d'un coup sec. Ibkan crache du sang, puis ferme les yeux et meurt doucement. Chris, exténué, tombe au sol pour reprendre des forces. Il reste un petit moment là, assis au sol, hagard, saisi par une émotion inconnue avant que les renforts n'arrivent. Il se relève, prend son épée et emporte avec lui la dague en argent de son adversaire vaincu. Il accompagne ensuite le peloton qui envahit le couloir et le bureau du tyran. Mais il découvre un bureau vide. Albakan ayant fui, les forces de l'Axe restantes abandonnent la tour aux lucioles. Akion retrouve Chris à l'entrée de la tour. Je l'ai vaincu. J'ai tué Ibkan. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je ressens, c'est qu'il n'y a plus de retour possible.